L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des mesures radar des pôles de Mars mettent en évidence des changements climatiques sur la planète rouge de type glaciation-déglaciation. Le dernier âge glaciaire martien remonterait à 370 000 ans. C'est en utilisant l'instrument Shadow Radar, SHARAD, de Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, que l'équipe menée par Isaac Smith du Planetary Science Institute à Tucson a réussi à déterminer la structure des calottes polaires de Mars. Ils observent différentes couches superposées qui permettent de remonter au processus d'accumulation et d'érosion de cette glace. Du fait d'oscillations de son obliquité, de son périhélie et de son excentricité, Mars connaît d'importantes variations de distance et d'inclinaison par rapport au Soleil, et des saisons très marquées. Mais la planète rouge est également l'objet de variations climatiques de très long terme, avec de véritables périodes glaciaires séparées par des périodes interglaciaires. Ce que montrent Isaac Smith et ses collègues, c'est que Mars est aujourd'hui en période interglaciaire et que durant une telle période, les calottes polaires grossissent, surtout celles du pôle Nord, alors que lors d'une période glaciaire, les calottes maigrissent. Et c'est alors la presque totalité de Mars qui se retrouve recouverte de glace. Les chercheurs montrent que les calottes martiennes ont accumulé depuis la fin de la dernière période glaciaire pas moins de 87 000 km3 de glace, ce qui correspond à une épaisseur de 60 cm si elle recouvrait toute la surface de Mars. Précisons que la calotte du pôle Nord fait actuellement une épaisseur d'environ 2000 mètres. Les âges glaciaires de Mars apparaissent ainsi d'une manière contre-intuitive quand ses pôles sont plus chauds et quand la glace se retrouve plus stable aux basses latitudes, où elle peut alors s'accumuler en sous-sol et former des glaciers. La transition entre accumulation de glace et érosion laisse derrière elle des traces sur le terrain qui peuvent être observées sur la surface par des instruments optiques et en sous-sol par des instruments radar comme le SHARAD de MRO. Les spécialistes estiment que la glace du pôle Nord martien s'est accumulée depuis au moins les 4 derniers millions d'années. Les analyses stratigraphiques effectuées sur les deux pôles par SHARAD indiquent que le vent devait jouer un rôle important dans les accumulations de glace et de poussière. Et à partir des radargrammes obtenus, Smith et ses collaborateurs observent des modifications simultanées dans les propriétés des différentes couches de glace sur toute la zone de la calotte polaire nord. Cela suggère l'existence d'un changement climatique global qui peut être daté. Par ailleurs, les deux calottes polaires de Mars ne sont pas à la même enseigne, car sur les 87 000 km3 de glace accumulée, la calotte nord en prend 80 000 à elle toute seule, soit 92%. La découverte d'un changement climatique sur Mars, observable grâce au dépôt de glace en couche de son pôle nord, n'est pas tout à fait inattendu. Les modèles climatiques martiens prédisent un tel processus avec une accumulation au pôle lors des périodes interglaciaires dues à des variations d'obliquité de la planète rouge et blanche. Ces modèles prédisent qu'une épaisseur de 300 mètres de glace a dû s'accumuler au pôle depuis les derniers 400 000 ans. Les mesures de Smith et ses collaborateurs donnent une valeur de 320 mètres en 370 000 ans. Pas mal, hein ? Les observations viennent donc renforcer les modèles climatiques martiens en montrant que Mars se trouve bien à la fin d'une période glaciaire, ses calottes polaires grossissant rapidement au détriment de la glace présente aux plus basses latitudes. Les planétologues américains parviennent même à dire que la calotte du pôle nord de Mars s'est constituée au cours de 4 périodes climatiques distinctes, remontant à au moins plusieurs millions d'années. En levant les yeux vers le ciel, nos lointains ancêtres préhistoriques n'avaient peut-être pas la chance de voir une belle planète bien rouge comme aujourd'hui. L'article de Isaac Smith et ses collaborateurs est paru dans Science, aujourd'hui le 27 mai 2016. Il a pour titre « An Ice Age Recorded in the Polar Deposits of Mars ». À très bientôt sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers de Mars se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast, comme toujours, sur podcloud.fr et sur iTunes. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel vers Mars, hein, toujours très très bien visible en ce moment, car au plus près de la Terre, oui, c'est en ce moment même. N'hésitez pas à la regarder vers l'horizon sud, elle est là toute la nuit. Allez, restez bien les pieds sur Terre aussi surtout, hein. Ah oui, faut pas oublier. Allez, à très bientôt, salut !